Si j'aime pas voir les larmes couler, c'est parce qu'il pleut tous les jours et au mauvais temps j'ai pas envie de me mêler. C'est comme un père qui laisse tomber sa fille, lui dit adieu, à jamais lui a plombé sa vie. Trop de souffrance au point de la respirer. Tu t'es étouffé, les gens t'ont admiré. Et puis l'amour d'une femme pour son homme qui finit polygame. Et la frappe pour son nom, je peux pas mentir. À ceux qui me tiennent à cœur, me parlez plus de sourire parce que j'ai vu trop de pleurs. Je crois toujours en l'amour d'une femme, c'est de ma Claudia. Car en elle, je vois la flamme comme les fils d'Adam qui jalouse et parle. La tristesse, on la sème depuis la nuit des temps. Je crois qu'on fait du mal à ceux qu'on aime. Malheureusement, qu'une fois qu'on les sème, si j'ai fait du mal à toi ou à toi, pardonnez-moi. Si j'ai pas été droit, pardonnez-moi. À mon père et à ma mère, pardonnez-moi. Et si demain je deviens plus méchant, pardonnez-moi. Si j'ai fait du mal à toi ou à toi, pardonnez-moi. Si j'ai pas été droit, pardonnez-moi. À mon père et à ma mère, pardonnez-moi. Et si demain je deviens plus méchant, pardonnez-moi. Et je te demande pardon, maman, pour tous ces trucs, t'avais raison. Pardon d'avoir amené des soucis de rue à la maison. J'espère que tu sens que c'est sincère. Cette sale adolescence, c'est l'enfer. Mais ça m'a donné le sens des affaires. Non, faut pas t'enfermer. Serre-moi fort, pas de serment. Je t'aime trop pour prendre. Ils enferment, d'enfermant. Je vous aime avec un grand A. Pardon de squatter le toit parental. Car mon rap n'est pas rentable. Je suis trop laid, maître, amusé à la fac. Mais je te promets, mettre ma musique à la flaque. Chèque flingue. Arme la nuit, rime avec claque de larmes. Pardon de pêtre un cadre fringue et harmonie. Avant que te voir partir, mamie, je voulais dire mon amour, mais la mort fait partie de la vie. Je m'excuse, pardonnez-moi. Si j'oublie des choses, texte n'est qu'une part de mémoire. Si j'ai fait du mal à toi ou à toi, pardonnez-moi. Si j'ai pas été droit, pardonnez-moi. À mon père et à ma mère, pardonnez-moi. Et si demain je deviens plus méchant, pardonnez-moi. Si j'ai fait du mal à toi ou à toi, pardonnez-moi. Si j'ai pas été droit, pardonnez-moi. À mon père et à ma mère, pardonnez-moi. Et si demain je deviens plus méchant, pardonnez-moi. Mon père, oui mon fils. J'ai péché, j'ai triché, j'étais pressé d'avoir des sous, je vous jure, j'avais rien pigé. Quand même, je tiens à mon âme, mais c'est plus fort que Wam. Je tiens à mon art et je vais finir plus sage et plus fort que moine. J'ai quitté mon île, ça n'allait plus, je me suis barré. J'ai préféré le bitume, maintenant j'arrive plus à m'en séparer. Essayez, vous pourrez pas tenir deux secondes. Il vous faudra un cœur de pierre et les couilles à James Bond. J'vagabonde, braque, fume, du Sensi sans cola. Si c'est pas ça, je suis fourré dans le cul d'une sexy chocolat. Où ça va mener? C'est la débauche ou la débandade. Je finirai vieux, seul et sale en dormant sous des bancrades. Mais vous êtes fous, Brasco c'est un débrouillard. Un bâtard qui sort de la brume, pas du brouillard. Je vais peut-être périr en enfer dans les fesses d'un dragon. Pardonnez-moi mon père, mais pour moi ça sent pas bon. Chaque guerrier a son instant de bravoure. Le mien est peut-être loin, mais fera du bruit comme un tambour. T'as démarré pour t'arrêter au feu rouge. Fais attention, je suis juste derrière, alors s'il te plaît. Si j'ai fait du mal à toi ou à toi, pardonnez-moi. Si j'ai pas été droit, pardonnez-moi. À mon père et à ma mère, pardonnez-moi. Et si demain je deviens plus méchant, pardonnez-moi. Si j'ai fait du mal à toi ou à toi, pardonnez-moi. Si j'ai pas été droit, pardonnez-moi. À mon père et à ma mère, pardonnez-moi. Et si demain je deviens plus méchant, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi.